Chapitre 6e. La voiture roulait depuis un quart d'heure sur un chemin pierreux, quand Georges Fritz découvrit les hautes tourelles du château. La porte tourna, à la voix du cocher, sur ses gonds rouillés et paresseux, qui semblaient avoir oublié cet exercice. Une première cour malpropre, entourée de bâtiments très bas, qui servaient sans doute de grange, de remise et d'écurie, conduisait par un pont-levis à une seconde cour intérieure qui était nette et pavée. Un grand silence régnait dans cette seconde partie du château. Un fossé plein d'eau, où nageaient des canards frappés par plaques de couleur métallique très éclatante, l'entourait d'une ceinture froide et taciturne. De rares fenêtres, enfoncées dans d'épaisses maçonneries et voilées intérieurement de rideaux, entretenaient un air de mystère sur toute cette habitation. Des pigeons et des martinets couronnaient de leur vol entremêlé le sommet des tourelles. Quelques chiens, d'une race généreuse et dressés autrefois pour la chasse, abattaient maintenant sur le pavé des cours leur tête morne et semblaient se conformer à la pensée générale de tristesse qui régnait dans tout ce vaste bâtiment. Un vieux serviteur, vêtu de velours noir, avec une chaîne d'acier au cou, salua en silence le jeune docteur et monta devant lui un escalier tournant qui s'ouvrait sur la cour par une porte basse encadrée par des nervures de pierre fort anciennes. Georges Fritz suivit. Cet escalier les conduisit à un salon somptueusement orné. Le domestique dérangea un fauteuil, pria le jeune docteur d'attendre M. le comte qui allait venir, et se retira. Fritz, resté seul, promena autour de lui avec curiosité ses regards. Il arrêta principalement sa vue au fond du salon sur une peinture à l'huile bordée d'un cadre d'or. C'était une jeune fille d'une si grande beauté que Georges se décida à prendre cette toile pour un tableau de fantaisie et non pour un portrait copié sur nature. Au bout de quelques minutes d'attente, une porte s'ouvrit doucement et M. le comte de B. entra. La pâleur du désespoir était sur son visage grave et sévère. Il fit signe de la main au docteur de s'asseoir à côté de lui dans un fauteuil. « Monsieur, dit le comte, vous avez affaire à un homme qui a besoin de toute votre discrétion. « Je n'en ai jamais manqué, monsieur, reprit Fritz. « Je vous crois, dit le comte en retombant dans son silence. « Puis-je enfin savoir qui m'amène ici ? Hasarda le jeune docteur impatient. « Le voici. « J'ai une fille. » Ici la voix du vieillard mourut et son front se rembrunit. « Elle est malade ? Demanda Fritz, voulant hâter cette explication. « Vous l'avez dit. » Le vieillard fit un geste pour désigner que la tête était le siège du mal. « Elle est folle, » devina Georges. « Plutôt ciel, » reprit le père atterré. « La folie est du moins un état violent et quelquefois inspiré, qui emporte ses victimes au-delà des limites humaines. Ma fille est moins que cela. » La pauvre enfant était idiote.